Mofa, Mecca, Mofa, Mecca, Mofa, Mecca, Mofa, Mecca, c'est ça. Mofa, voilà. Mecca, Mecca, Mecca, Mecca, Mofa, voilà. Mecca, Mecca, Mecca, Mecca, Mofa, voilà. Mecca, Mecca, Mecca, Mecca. Si tu es bon, viens faire la cupide. Si tu es brut, viens, viens sur la piste. Avant j'allais en disco et les gens se foutaient de ma gueule. Aujourd'hui je vais en disco et c'est les gens qui m'offrent de l'alcool. Ah, je suis comme toi et ton téléphone. Je t'envoie des messages et je suis dispo pour personne. Je veux simplement que tu te balances. Parce que c'est l'été, il faut de l'ambiance. Amène-toi, c'est l'été. Il faut te défoncer. Amène-toi, viens bronzer. Il faut se déhancher. Arrête d'y penser. Oublie tout ça, c'est l'heure de danser. Bala, bala, bala, bala, bala. Yeah, bala. Ou sur le flow, comme tu le vois, ce n'est pas un slow. Alors bouge, arrête de faire le flow. Remue-moi ce dos, fais-moi plaisir. Remplis tous mes désirs. Prends-toi toute la nuit contre un homme maudit. Frémis. Puis j'ai mis mon corps autour du tien. Alors laisse-toi aller, enlève tes freins. Chérie, embrasse-moi sans délai. Subis mes baisers de furie. Ça commence seulement maintenant, c'est jamais fini. Avec Digitalo, c'est jamais fini. Mofa, Mecca, Mofa, Mecca, Mofa, Mecca, Mofa, Mecca, c'est ça. Mofa, voilà. Mecca, Mofa, voilà. Mecca, Mofa, voilà. Mecca. Si tu es blond, viens faire la cubiste. Si tu es brune, viens sur la piste. Si tu es rousse, viens pour la suite. Si tu es bon, on verra pour la suite. Ha! Amène-toi, c'est l'été. Il faut te défoncer. Amène-toi, viens bronzer. Il faut se déhancher. Arrête d'y penser. Oublie tout ça, c'est l'heure de danser. Bala, bala, bala, bala.